Chapitre 3e. Le 29 décembre, une descente de justice avait lieu et en prison du parquet d'Angoulême, on procédait à l'exhumation du corps de Fanny qui fut immédiatement livré à messieurs Montalembert, médecin, et Sicot, pharmacien, chargé de faire l'autopsie. Ces messieurs constatèrent que la cause immédiate de la mort avait été une inflammation du cerveau compliquée d'une gastro-entérite. Quant à l'origine de ces deux maladies, il était indispensable, pour la déterminer, d'avoir recours à l'analyse des membranes de l'estomac et des intestins. Et pour cette analyse, on adjoignit à M. Sicot, un praticien distingué, M. Octave Le Sueur, chef des travaux chimiques à l'école de médecine de Paris. En même temps, M. le juge d'instruction Bouissot interrogeait Gotland. Malheureusement pour lui, le curé de Saint-Germain avait un passé déplorable. Né à Chambéry, en Savoie, où il avait été élevé par les jésuites, il avait terminé ses études au séminaire de Saint-Sulpice. À sa sortie du séminaire, il avait été nommé vicaire à Semur, d'où sa mauvaise conduite l'avait fait chasser. Replacé à Charolles, ses relations avec une dame alliée, beaucoup plus âgée que lui, avaient été tellement scandaleuses qu'un nouveau déplacement était devenu nécessaire et qu'il lui avait fallu retourner au séminaire d'où on l'avait, sur ses instances, envoyé à Angoulême et puis nommé curé à Saint-Germain. À part ces détails, le premier interrogatoire apprit peu de choses. Gotland raconta que Fanny de Guisal, entrée à son service par l'entremise d'une dame Auger, bannière à Angoulême, lui avait au commencement assez convenu, mais qu'il avait bientôt reconnu que cette femme, cancanière, lente au travail, impertinente, lourde, malpropre, ne pouvait lui convenir et qu'il s'était décidé à la renvoyer. À quelle époque Fanny était-elle entrée chez vous ? Lui demanda le juge d'instruction. Au mois d'août 1849. Et en étant aussi mécontent, vous l'avez conservée jusqu'en décembre. Cela me faisait de la peine de la mettre sur le pavé. N'avez-vous pas eu quelques querelles avec votre servante ? Oui, dit Gotland en ayant l'air de chercher. C'était, je crois, parce que j'étais rentré un peu tard, et elle me reprocha de la faire coucher à des heures qui n'avaient pas de nom. Cette querelle n'eut aucune suite. N'était-ce pas plutôt à propos de Madame du Sablon ? Interrogea le magistrat en regardant tout à coup fixement le curé. Celui-ci rougit et resta un instant interdit. Je ne comprends pas ce que Madame du Sablon a à faire dans tout cela, répliqua-t-il enfin en recouvrant son assurance. On assure que votre prédécesseur, M. Ricette, avait avec cette dame des relations compromettantes et que ces relations auraient été continuées par vous. J'étais, je suis encore l'ami de M. du Sablon. Pensez-vous qu'il serre à la main un homme qui l'eût déshonoré ? La question devenait scabreuse. Le juge d'instruction ne jugea pas à propos de la pousser plus loin pour le moment. D'ailleurs, il avait autre chose à demander. « À quelle cause attribuez-vous la maladie de la veuve de Guisal ? » dit-il à Gotland. « À une chute dans l'escalier. Elle s'est crevée en tombant et n'a fait que malader depuis lors, » répliqua le curé avec assurance. C'était également là les termes dont on s'était servi chez M. du Sablon quand le docteur Montalembert avait interrogé son confrère sur la maladie de Fanny. Le magistrat devait donc, jusqu'à plus ample informé, s'en contenter. Il poursuivit. « Qui a soigné la malade ? » ?»« M. du Sablon. » »« Seul. » »« Avec sa servante, Jeanne Berg. Moi, je ne me suis occupé de rien. » »« Pourquoi cela ? » ?»« Parce que je supposais que les soins d'une femme seraient préférables aux miens. » Quel médicament a-t-elle pris ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop remarqué, dit le curé. Tout ce que je crois me rappeler, c'est que comme elle souffrait beaucoup, M. du Sablon lui a fait un lavement avec 25 gouttes de laudanum. 25 gouttes ? S'écria le magistrat avec étonnement. Mais il y aurait eu de quoi l'empoisonner. Alors, si elle a été empoisonnée, cela regarde M. du Sablon. Je croyais qu'un médecin savait ce qu'il faisait quand il prescrivait un remède. Comment se fait-il que le 22 décembre, vous ayez annoncé à Edmond de Guisal la mort de sa mère comme ayant eu lieu le jour même ? Simple erreur de plume, j'étais si troublé de ce qui venait d'arriver. Pourquoi ne pas l'avoir prévenu plus tôt ? Fanny ne l'a pas voulu. Loin de convaincre le magistrat, le calme du curé Gotland lui laissait des doutes. Et puis, bien que semblant naturel et toute spontanée, ses réponses évidemment avaient été préparées à l'avance. Enfin, la mort de Fanny, attribuée par le curé à l'ivrognerie le 22 décembre, devenait le 29 la suite d'une chute dans un escalier. On hésita cependant à mettre la main sur un homme revêtu d'un caractère sacré avant d'avoir des preuves plus convaincantes. D'ailleurs, il eut alors fait englober du même coup dans l'accusation M. Mélame du Sablon et les documents acquis à la justice n'autorisaient pas une telle mesure vis-à-vis de gens honorables et honorés. L'affaire fut donc momentanément abandonnée, mais l'instruction ne perdit pas de vue ceux qu'elle soupçonnait et surveilla toutes leurs démarches. C'est ainsi qu'on remarqua, par exemple, que dès le lendemain de l'exhumation, le curé Gotland fit part à plusieurs personnes de ses craintes d'être mis en prison, malgré son innocence. On apprit également que des conférences avaient lieu chez M. du Sablon et chez le maire de Saint-Germain, un sieur Touchet, tout dévoué au curé, et à qui on reprochait l'imprudence qu'il avait eue d'autoriser l'inhumation avant le délai légal. Enfin, le curé de Marton s'agitait auprès des personnes que connaissait Fanny et leur parlait des pensées de suicide, souvent exprimées, disait-il, par la veuve de Guizal, cherchant à recruter des témoins pour attribuer un suicide la mort de la servante du curé. Gotland lui-même se réconcilia avec des voisins dont les souvenirs pouvaient être gênants et cherchait à rectifier à son gré ses souvenirs. Le 8 janvier 1850, la sœur de Gotland arriva à la cure, et en l'honneur de cette arrivée, l'instituteur Savigna, brouillé depuis quelque temps avec le curé, était invité à dîner au presbytère. Pendant ce temps, les experts Octave Le Sueur et Sicot s'occupaient de l'analyse confiée à leurs soins. Les liquides contenus dans l'estomac et les intestins, l'estomac, le foie, avaient donné de nombreux taches de sulfure d'arsenic, et les lésions remarquées dans l'autopsie par M. Montalembert avaient été reconnues provenir de l'arsenic. Voici les conclusions du rapport déposé le 31 janvier. Nous sommes amenés, par ces considérations et par les résultats de l'analyse chimique, à conclure que la femme Fanny est morte empoisonnée par une préparation arsenicale et qu'il est excessivement probable que depuis le jour où les accidents se sont manifestés jusqu'au moment de l'agonie, l'introduction de la substance vénéneuse a été consécutive. Il y avait donc eu empoisonnement. Mais était-ce le résultat d'un crime ou d'un suicide? Les soins précisément des amis de Gotland pour établir la seconde hypothèse augmentaient les soupçons qui pesaient déjà sur lui. L'instruction fut immédiatement reprise.